بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc il commence aujourd'hui à deuxième intervention dans le même sujet que nous commençons la semaine passée. L'islam, c'est pas religion, c'est arabe là seulement. Nous aborder en parole qui propageait, c'est l'islam, c'est religion, c'est arabe là. Et nous répondre en l'ambiguïté là. Et nous dit que, ça c'est mon nom, le dit par là, c'est que l'islam, c'est arabe là qui vient et puis religion là. Et nous répliquer à ça, nous dit que l'islam était présent bien avant les arabes. Et donc, pas ni problème et puis ça. Il ne peut pas dire que c'est ces arabes-là qui viennent et puis religion ta là, puisqu'il était présent, religion islam-là, la soumission, était présent depuis ces premiers prophètes-là. Tous les prophètes-là étaient musulmans. Et nous avons aussi, deuxième ambiguïté, deuxième problème-là, dans la parole ta là, c'est que c'est une religion qui est propre et spécifique aux arabes seulement. Et donc nous répondons à ça aussi et nous montrer les preuves du Coran et de la Sunna, que l'islam, ce n'est pas une religion pour ces arabes-là seulement, mais c'est une religion pour tout le monde, pour toute la terre. Et après tout ça, ça c'est mon langage à dire nous. Le cas dit nous, oui, oui, d'accord, ok. Mais l'islam, ce n'est pas Tao. L'islam, ce n'est pas religion. Ça, c'est des bagages comme. Ça, c'est des bagages comme un cas dit autres, parce que moi, j'attends plusieurs fois. Le manque à débattre, le manque à s'expliquer, c'est mon nom. Il a dit, oui, ok, d'accord, à la fin, d'accord, mais ce n'est pas Tao. Ce n'est pas religion qu'il a. Parole Tao là aussi, c'est une parole qui n'a plusieurs sens. Et nous, qu'est-ce que ça aujourd'hui aussi? Premier sens là, c'est que ce n'est pas où qui a décidé. L'islam, ce n'est pas Tao. Ce n'est pas religion. Ce n'est pas où qui a décidé à dans religion Tao. Ou obligé de suivre ça, il a dit. C'est ça qu'il a dit nous. Ou obligé de suivre, ça qu'il a dit nous. Et donc, en réalité, nous pas ni pièce problème et puis ça. Nous pas ni pièce problème et puis ça. Parce que religion ta là, c'est religion Allah qui l'a. C'est lui qui a ordonné et c'est lui qui a interdit, ça il est. C'est pas nous qui a décidé. Comment nous pas les soumettre comme nous? Pour ta la qui crie nous. Comment nous ka refuser soumettre kon nous pour ta la qui crie nous? C'est lui qui ba nous la vie. Et nous pas ka soumettre kon nous? Ça c'est un problème ça. Nous ka méditer dans le Coran. Allah ka dit nous "Afara ila dinillahi yamurun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha." Wa ilayhi yurja'un. Est-ce que yo lé en l'autre religion qui religion Allah? Est-ce que yo lé en l'autre religion qui religion Allah? Et pourtant, c'est pour que tout le monde qui en ciel là et assis la terre yo soumette koyo, yo tout yo soumette koyo bay. Yo tout de gré ou de force, yo tout yo soumettre koyo. Et c'est yo tout yo ki retourner boy. Yo tout yo ki route, yo ki retourner bo Allah tabaraka wa taala et ki jige yo. Et donc à dans verset là, nous ka wa ka religion, c'est religion Allah qui l'a. Puisque il dit nous "Afara ila dinillahi yabghun." Est-ce yo lé en l'autre religion qui est religion Allah. Et donc, c'est religion Allah qui l'a. C'est pas ta zote, c'est pas ta main, c'est pas ta papa main. C'est pas nous qui a décidé. C'est lui qui a commandé, c'est pas nous qui a commandé. Mais le problème là que nous n'y a présent, c'est que il y a le monde, en pile monde, yo le ni en divinité et que c'est yo qui t'a commandé. Yo le ni en religion et que c'est yo qui t'a décidé comment y est religion en y. c'est pas yo qui soumet quoi yo pour divinité, mais c'est en gros c'est divinité qui soumet. Mais non, c'est pas ça. Nous peut pas venir dans religion nous qu'a fait ça nous lé. Hein? Moi qu'a besoin un exemple simple. Là nous t'es jeune, nous t'es qu'a fait catéchisme. Hein, Martinique, non, en l'homme de Martinique, il est passé par étape là. Passé par étape catéchisme là. Moi, quand j'ai songé la rue de la chapelle, nous avons fait catéchisme. Et donc, ça qui fait, il dit nous, que tu qui pas baptisé koi, il pas qu'à rentrer en paradis. Tu là qui pas baptisé koi, il pas qu'à rentrer en paradis. Ça, c'est une croyance qui est connue chez les catholiques. Ça, c'est une croyance qui est connue. Mais le problème là qui arrive après ça, c'est pas dans génération moins, c'est bien avant. Le problème là qui arrive après ça, c'est qu'il y a un pile de chamaï qui est mort avant de baptiser Koyo. Un pile de chamaï qui est mort avant de baptiser Koyo. Et ça a un problème, et puis ces familles là. Puisque l'église chrétienne l'a dit que yo pas qu'à faire funérailles pour ces mounlan qui mort et yo pas baptisé koyo. Et donc c'est un problème, ces mounlan tombé dans un problème. Ça nous qu'a fait. Yo ni chamaï, chamaï la pas dit en baptisé, il mort. Paradis enfer, c'est un problème. Alors ça yo fait les polémiques la grandi. Yo changé loi. Yo changé loi. Et donc yo dit que après ça chamaï là ta là qui ka mort et que c'est en chamaï même s'il pas baptisé, il peut rentrer en paradis. Parce que il mort et c'est en chamaï. Ça yo changé. Et yo changé ça récemment. Et ça, c'est pas une histoire que m'a inventé. Ça, c'est une histoire que toutes peut trouver. On les site officiel là, site Vatican. On les site officiel là, vous peut trouver ça. Et donc, ça nous comprendre ça. Qui le sont nous, qui lit sont nous peut tirer en ça. C'est que c'est l'homme. C'est lui qui a changé religion. C'est lui qui a fait ça, il est là. En fonction de ces problèmes-là, en fonction de ces polémiques-là, en fonction de ces mouns-là, ça, il a dit, nous avons commencé à changer. Par contre, en islam, nous pas ni ça. En islam, nous avons soumettre comme nous, pour ta qui créé nous. C'est pas nous qui a changé religion. Et c'est pour ça que nous avons dit nous pas ni un seul problème. C'est mon nom qui a dit nous l'islam c'est pas tao. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là, que c'est pas moi qui a décidé, mon qui a dit effectivement, c'est pas moi qui a décidé. Et mon pas ni un seul problème et puis ça. Mon qui a soumettre comme moi pour ta qui créé moi. Mon pas ni un seul problème et puis ça. Mon pas venu changer loi en fonction de, en 2000, mon pas savoir combien mon qui a changé, après ça mon qui a rajouté en l'autre loi. Non, non. Nous pas ni ça. Et c'est pour ça que Zotka ouais que une idée faite comme ça qui est inventée, qui pas là avant. Hein? Une idée faite qui pas là avant. Si vous allez puis ces chrétiens, mandé yo. Nous commandez ces chrétiens, c'est voisin nous qui là, nous ka vivre puis yo. Que nous ka vivre en France ou nous ka vivre Martinique, yo voisin nous, c'est famille nous. Nous pas ni problème. Hein? Moi ni en belle relation et puis papa moi, moi pas ni problème. Moi commande yo. Est-ce zot pe di moi? Est-ce que Jésus t'a fêté Noël? Est-ce que c'est un pote là t'a fêté Noël? Est-ce que c'est moun lan qui écrit l'évangile là que c'est pas des apôtres? Est-ce que yo t'a fêté Noël? Pas ni en sel. Et donc c'est en fait zot vini et puis après ça. Zot vini et puis après ça. C'est qui moun ki vini et puis fait ça là dis-moi. C'est qui moun ki vini? Est-ce que c'est en fait qui marche dans l'évangile? Ou est-ce que c'est les autres qui inventent ben nous? Et donc, en islam, nous pas qu'à inventer. Ces musulmans pas pour inventer. Yo qu'à soumettre koyo. C'est pas nous qu'à changer plein de bagages dans la religion, parce que c'est la religion Allah qui l'a. Et il y a donc verset Allah que nous ouais. Comme on lit Bazot, et fera iradini lahi aberoun. Est-ce qu'il y a une autre religion que la religion Allah? Nous avons clairement dans le verset là que tous ces mouns-là soumettent koyo pour Allah. Tous ces mouns-là. C'est pour ça que nous avons dans le verset là. Il dit nous, Allah dit nous, et fera iradini lahi aberoun. Est-ce qu'il y a une autre religion que la religion Allah? Wallahu aslama man fi as-samawati wal ardi taw'an wa karha. Et c'est pouille, et pourtant c'est pouille que tout le monde qui a dans ciel là et sous la terre, yo soumet koyo bay. Ah, ça c'est un problème ça. Faut nous réfléchir en ça. Moi ouais un jour un prêtre qui partait bien comprendre par verset là. C'est un prêtre qui a étudié Coran et qui a essayé parfois et qui a essayé d'écrire des répliques en l'islam comme ça. Et il tombait dans le passage là et pas bien comprendre. Il ouais passage là qui a montré que tout le monde yo soumet koyo à Allah. OK? Et donc il dit mais ni en l'eau péché à si la terre. Il ni en l'eau péché à si la terre. Et donc ça a montré que ces monde là pas soumet koyo. Pour aider les autres à comprendre le verset, je vais dire aux autres. Tout le monde a réfléchi. Est-ce que c'est vous qui a décidé, ou dis-moi, est-ce que c'est vous qui décidez qui t'en est? Est-ce que c'est vous qui décidez? Est-ce que c'est vous qui décidez ce qui est maman? Est-ce que c'est vous qui décidez dans qui pays vous êtes? Est-ce que c'est vous qui avez décidé à qui là où qui est mort? Et à dans qui pays où qui est mort? Est-ce que vous savez qui a décidé si vous attrapez corona ou si vous pas attrapez corona? Si vous tombez malade ou si vous pas tombez malade? Est-ce que c'est vous qui a décidé si vous riche ou si vous pas riche? On peut faire les causes. Ou qu'a fait ces causes là pour ni l'argent, mais à la fin il se peut qu'on ni l'argent, il se peut qu'on pas ni. C'est pas vous qui a décidé. Et donc, tout ça pour montrer nous qui ça que, en fait, ce n'est pas nous qui avons décidé. Tout ce monde-là soumis à Allah, c'est lui qui a décidé. Qui t'en connaît, qui t'en mort. Si vous tombez malade, si vous ne tombez pas malade, si vous éprouvez par la pauvreté ou par la richesse, c'est lui qui a décidé. Et donc, nous tous nous soumis. Le fait que Allah ben, nous choisit, est-ce que nous avons obéi ou nous pas pas obéi? Ça ne parle dit que nous pas soumis. Parce qu'à la fin, nous tous carrément. Nous tous carrément pour y juger nous. C'est lui qui a décidé. Et donc, c'est pour ça que nous avons dit ce monde-là. Si nous tous nous admettons que il y a un bon Dieu qui crée nous. Si nous tous nous admettons. Qu'il y a un bon Dieu, que c'est lui qui a géré toutes choses sous la terre. C'est lui qui est le tout-puissant. Pour qui nous adorer en l'autre? Et pour qui nous pas qu'à soumettre qu'on nous baille? Et donc ça, c'est un problème. Et donc, nous avons clairement dans le verset que nous dit, que religion, c'est religion Allah qui l'a. Et fera il a dit il l'a. Est-ce que c'est une autre religion que religion Allah a? Yoli. Et aussi, il y a dans l'autre verset, Allah a dit au prophète, il a dit Iza jae nasrullahi wal fath, wa ra'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Les secours-là et victoires-là qui sont venus, Allah dit sa prophète-là, avant d'arriver, ça il est, bah, victoire-là, c'est les musulmans qui reprennent, qui reprennent la Mecque-là. Parce que prophète-là, t'es qu'à vivre à dans ville que nous avons créé la Mecque. Et là, il commence la prophétie. Là, il commence à appeler ces gens-là pour adorer une seule divinité. Ça qui fait, ils mettent des rois. Ils ont obligé de partir. Tous ces gens-là qui étaient pire, qui étaient qu'à quoi, hein? Ils ont obligé de fuir pour sauver la vie. Et donc, ils ont fui dans l'autre ville. Et Allah promet le prophète lui que il kéri bay ville ta la Mecque. Et c'est pour ça ici à dans verset 1 il a dit il a déjà un Rasulullah wal fath. Les secours Allah et victoire là qui vini. Wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Et que ou ke wa ces moun là rentrer dans religion Allah par vague. En pile moun kon sa se ki rentre dans religion Allah. Et donc ici nous avons dans verset là que religion c'est religion qui moun, c'est religion Allah qui l'a. C'est religion que Allah qui l'a et nous pas ni un seul problème et puis ça. Nous pas ni un seul problème et puis ça nous ca soumettre comme nous pour ta qui crier nous walhamdoulillah. Deuxième sens que nous peut comprendre dans phrase ça là, les yo ca dit nous c'est pas religion qui l'a, c'est pas tao, l'islam c'est pas tao. Est-ce que vous ne dit pas là que moi ne peux pas dire que l'islam c'est religion moins qu'il a parce que moi c'est un Martiniquais parce que moi qui viens de Martinique moi ne peux pas dire que l'islam c'est religion moins, c'est ça? Si c'est ça, vous le dit, nous disons que non, ça faux. Ça faux. Tout le monde qui a pratiqué religion ta, tout le monde qui a pratiqué religion islam là, peut dire que l'islam c'est religion. Allah a dit nous en Coran. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tala ki ka delese religion yi. Tala ki ka delese religion yi et ki après ça il ka mort en état d'incroyance. Il est mort et il est incroyant. Alors, tout le monde qui a fait ça, toutes ces bonnes actions que vous faites, viennent vaines. Toutes ces bonnes actions que vous faites, annulées. Et ça, ici-bas et dans l'au-delà. Et tout ce monde-là, c'est vous qui sont les gens de l'enfer. Vous qui êtes à Adam éternellement. Et ici, dans verset là, Allah a parlé, dit c'est mon nom qui a quitté l'islam. Et il a dit nous, wa man yartadid minkum an dinihi. Tala qui parmi autres qui a quitté religion. Et donc mon père dit que l'islam c'est religion moins qu'il a parce que m'a pratiqué. Et aussi prophète là expliquez-nous clairement les nous qui rentrer les tout le monde qui a mort, il a rentré en tombe blanc. Hein, laissez mon nom mettre en tombe là. Il interrogeait. C'est ange là qui a venu, il a demandé. Men rabbouk. Hein? Ça qui seigneur là? Qui seigneur qu'on a adoré? Wa ma dinouk. Qui religion? Ça qui religion? Wa man nabiyuk. Et c'est qui moun là qui prophète là que Allah vrille ba pour communauté ou là. Et donc une idée moun hein yo vinn à dans époque yo vinn pendant époque Moussa pendant époque Moïse et ben yo ke dit prophète moi c'est Moïse. Là yo dans ton blanc yo ka dit prophète moi c'est Moïse. Il y a des gens qui viennent dans l'époque Mohammed. Là, ils ont dit que le prophète, moi, c'est Mohammed. Parce qu'ils viennent dans l'époque prophète Mohammed. Là, donc, ils ont cru à ça. Mais ça nous l'a dans le récit prophétique. Là, ces passages-là, ils ont dit nous, mais dis-nous, ça qui est religion. Et donc, oui, je peux affirmer que l'islam, c'est religion. Mon Martinique, mon sang entier, et l'islam, c'est mon religion, hein, et mon panier pièce problème, et puis ça. Parce que tout le monde qui a pratiqué religion, t'as là, peut dire que c'est religion. Hein. Mais en fait, en réalité, nous ni, à partir de là, nous ni un problème qui a vini. Et ça qui problème t'as là, c'est là qu'il a dit nous, en fait, là nous qu'a dit que religion, l'islam c'est pas tao. Ça nous le dit pas là, c'est que c'est pas ta papa ou. C'est pas religion papa ou qui là. C'est là, c'est à dire que c'est pas religion, c'est ancien moun lan qui là. C'est pas religion ancêtre nous qui là. C'est pas religion ancêtre yo qui là. Hein? C'est ça qu'il a dit nous. Et problématique ta là, nous ka répondre à ça et puis deux points. Ou alors, nous peut dire trois points. Problématique ta là, nous ka répondre et puis trois points. Là, yo ka dit nous, l'islam c'est pas ta, c'est-à-dire, c'est pas religion ta papa, c'est-à-dire, c'est pas religion ancêtre ou qui là. Pouti ou pas garder religion ancêtre ou. Grand-maman ou t'es catholique, ou évangélique, ou adventiste, ou mon pas savent. Papa ou ni même religion pour tu ou changer. Pour tu ou changer. Moi, je vais réciter bas en verset coranique pour nous méditer dans les versets. Allah a dit nous encore en. Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. Et si on dit yo, faut que vous suivez ça Allah fait descendre. C'est-à-dire le livre là que Allah fait descendre là. Faut que vous suivez le livre là. Et faut que vous suivez le prophète là que Allah vraie. Yo ka dit, si on dit yo ça, yo ka dit non. Nous qu'à suivre religion que nous ouais parents nous en lay. Nous ouais c'est parents nous yo qu'à pratiquer en religion, c'est religion ta que nous qu'à suivre. Alors Allah qu'a répliqué à ça. Parce qu'à présent nous y en ambiguïté, c'est mon lay yo qu'a dit, là yo qu'a dit poutis pas qu'à suivre livre là que Allah fait descendre. Poutis pas qu'à suivre ces prophètes là que Allah vraie. C'est mon qu'a dit non, nous ça nous qu'a suivre, nous qu'a suivre religion c'est ancêtre nous. Nous qu'a suivre religion par en nous. Allah qu'a répliqué à ça, il qu'a dit et wala kana aba uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun. Même si parents yo, même si parents yo pas t'es qu'à raisonner, pas t'es bien guidé, ça t'es qu'à suivre yo. Ici Allah ka, il ka incité nous pour nous réfléchir. Gardez bien. Si y a un sujet que papa ou pas qu'à comprendre, ou beau expliquer, il pas qu'à comprendre le sujet là. Il y a des bagages comme ça que nous pas qu'à comprendre. Tout le monde ça arrive yo. Il y a des bagages comme ça que ça reste nous pas arriver comprendre. Et donc, si vous voyez qu'il y a un sujet que papa n'a pas arrivé à comprendre, est-ce que vous suivez papa ou Adam et erreur là? Parce que c'est papa ou? Non, vous pouvez suivre. Ou que vous êtes là, vous êtes conseiller. Non, mais papa, ça pas bon. Papa, c'est pas comme ça vous pouvez faire. Hein? Bien entendu, vous gardez bon comportement parce que c'est papa ou. C'est pas n'importe qui monde qui l'a. Ou obligé de garder bon comportement. Mais vous pouvez montrer non, c'est pas comme ça vous pouvez faire, papa. Mais ou c'est papa moi ou éduquer moi, mais c'est pas comme ça ou pour faire. Et donc ça dans un sujet. Moi quand nous prenons l'autre exemple à présent pour vous comprendre. Si il y a des monde parfois yo éprouvé parents yo par exemple yo ni Alzheimer. Hein? Un monde papa ni Alzheimer ou maman ni Alzheimer. C'est lui qui ka ochipé koy dit papa ou dit maman. C'est pas papa qui a ochipé koy dit. À présent, bah, elle a inversé. C'est mon lan qui caoutchipe quand il dit papa. Et pouchi, parce que papa, il est malade. Il a Alzheimer. Il pas qu'à comprendre ça qu'a fait autour d'il. Il pas savent. Il pas bien guidé. Il pas savent s'il pour aller à droite ou à gauche. Il pas savent. Si nous mettons en côté, nous disons qu'il peut retourner à Kaili, qu'il ne peut pas savoir comment il peut retourner à Kaili, parce qu'il est malade. Ça, c'est des bagailles qui peuvent arriver. Et donc, nous avons dit, si papa est éprouvé par maladie, là, si papa est éprouvé comme ça, qu'il n'est pas savoir, il n'est pas bien, il pas connaître chemin, il n'est pas savoir comment il peut retourner à Kaili, hein? Il n'est pas comprendre ce qu'il a fait autour de lui, est-ce que vous pouvez suivre? Est-ce que vous pouvez suivre lui comme ça? Ou alors qui réfléchit. Tout le monde assis la tête a dit nous manquer réfléchir moi puis suivre comme ça. Et donc Allah ici a dit nous. Et donc ici de la même façon, faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on raisonne. On peut pas suivre si en cette ou on peut pas suivre famille ou comme ça aveuglément sous prétexte que c'est famille ou qui l'a. Faut qu'on réfléchisse. C'est quand nous n'y à présent, nous n'y... Je sais, ça, je veux dire, nous, phénomène de la mode. La mode, un jour, qui a venu puis un pantalon qui large, un jour, qui a venu puis un pantalon qui serré, un autre jour, qui a venu puis un pantalon déchiré, un autre jour, il n'y a pas ni pièce pantalon. Vous êtes connaître la mode. C'est mon nom, il y a tout qu'à suivre la mode là. OK? Il y a tout qu'à suivre la mode là. Il y a pas savoir qui moun qui crée la mode là. Il y a pas savoir pour qui crée la mode là. Mais le plus important, c'est que nous suivons. Nous pas savons côté nous cailler puis la montée là mais nous ca suivre faut que nous suivre c'est comme ça nous ca suivre et donc faut que nous réfléchissions. Faut que nous rendons compte nous que bon Dieu ben nous en raison il ben nous la capacité que nous réfléchissions. Alors faut pas nous suivre ces monde là comme ça sans nous réfléchir sous prétexte que c'est famille nous qui l'a. Parce que s'il y a des problèmes l'argent, il y a des problèmes comme ça, on peut que suivre. Si famille ou kamene on pour perdre tout l'argent ou sauf que on peut que suivre. OK dit nous non, autres si autres aller perdre l'argent autres, aller perdre l'argent autres. Moi m'en ka garder l'argent moi, m'en pas perdre lui. Pour tu as dans religion en sujet paradis ou enfer ou qu'a dit nous non t'as assez religion par en moins qu'il a côté réflexion que vous teniez avant là vous t'es capable de dire l'argent vous teniez en réflexion pour tu à présent là vous capable de dire religion bloqué réflexion et donc non faut que nous raisonner particulièrement que dans les Antilles machallah nous des monde qui a réfléchi nous des monde qui intelligent en l'eau qui a réfléchi en l'eau yo qui a cherché et donc faut que nous utiliser ça capacité ta là que bon Dieu a ba nous faut que nous utiliser ça d'ailleurs et c'est ça qui est contradictoire hein? À présent nous quand dans contradiction hein? C'est que ces chrétiens yo qui a reproché ces juifs là même bagaille là. Il n'y a qu'à reprocher ces juifs-là, même bagaille là. C'est-à-dire que, en fait, en réalité, ces chrétiens, il n'y a qu'à reprocher ces juifs-là que n'ont pas accepté le message de Jésus. Et que ces juifs-là, là où Jésus arrivé, ils ont dit non. Nous qu'à suivre religion, ancêtre nous. Nous qu'à suivre religion, papa, nous et maman, nous. Nous pas qu'à suivre Jésus. Ces chrétiens qui ont dit, mais pourquoi ils n'ont pas qu'à suivre? Pourquoi ils n'ont pas les réfléchir? Pour qu'ils autres étaient bloqués comme ça, ça empêche, c'est qui ça qui empêche les autres réfléchir, accepter la vérité? Et les prophètes Mohammed l'arrivé, ils ont fait même bagaille là. Même bagaille là. Et donc c'est ça qui est contradictoire. Nous ne pouvons pas dire nous qu'on ne peut pas accepter l'islam parce que ce n'est pas religion, papa. Ça, c'est pas un argument qui est acceptable. C'est pas un argument qui est acceptable. Nous ne pouvons pas rester accrochés à une religion comme ça parce que c'est la religion papa nous qui l'a. Non. Si nous avons dit ça, alors faut que nous disions ces juifs-là aussi que ils ont raison. Faut que nous disions ces juifs-là que ils ont raison, là ils ont refusé suivre Jésus. Parce que c'est même argumentation qu'il a. C'est même argumentation qu'il a. Mais l'époque a changé. Et donc, nous dit que nous allons répondre à l'ambiguïté. Et puis, trois points. Nous avons un premier point. Premier point, c'est que C'est que nous tous nous n'y en raison et que nous n'y la capacité que nous réfléchis et que faut pas que nous copier ces mouns-là, même si ces mouns-là c'est des proches, même si ces mouns-là c'est mouns famille nous qui là, faut pas nous copier yo, faut pas nous suivre yo aveuglement. Faut que nous réfléchis, faut que nous utilisions raison ta que nous ni. Ça c'est premier point. Deuxième point, ça c'est une belle question. Est-ce que religion chrétienne là, c'est religion ancêtre nous? Yo ka di nous, ou accepter l'islam et donc ou quitter religion ancêtre ou quitter religion papa ou quitter religion maman ou. Et donc ou quitter religion famille là. Nous ka di, est-ce que religion chrétienne là, c'est religion ancêtre nous qui là ou c'est religion, c'est moun lan qui coloniser ancêtre nous? Est-ce que chrétienté a, c'est religion, c'est colonisateur, ou alors c'est religion, c'est esclave là qui vient de Martinique? Ah, faut que nous répondions à la question là. Faut que nous répondions. Moi, quand j'ai l'air arrivé à Martinique première fois, donc forcément, ou étudier dans le pays, ou voyager en Afrique, ou voyager en Asie, etc. Et donc, forcément, yo ka vinn contrôle de police, yo ka mande ou sa ou faire dans pays ta là, ça ou faire, yo ka mande, yo ka mene les renseignements généraux. Ça c'est un bail qui normal, c'est pour la sécurité du pays et ça normal. Et donc yo vinn yo ka poser des trois questions. Et donc ni un policier vinn dit moi, c'est un policier qui était ka vinn de France. Nous t'es fort de France, mais c'est un policier qui était ka vinn de France. Il dit moi, mais monsieur Plaisel, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que les Martiniquais suivent la religion du colon? C'est policier qui dit moi ça. M'en dit, m'en pas ça, vous m'en dit yo. Et donc aujourd'hui, nous une question. Est-ce que religion chrétienne là, c'est religion ancêtre nous qui là? Ou c'est religion, c'est moun là qui colonise ancêtre nous qui là? Si nous gardons dans le livre histoire là, nous carrions tout un petit brin histoire parce que tout le temps, m'a dit ces mouns là, m'a dit famille moi, m'a dit faut que nous instruisons comme nous. C'est un bagage qui est très important. C'est pour ça que m'a remercié en pile Mon le biel, t'as qui apprendre moi l'élémenté en primaire, en CP, juste jodi à m'a son genouille parce qu'il prend temps pour apprendre moi li et jodi à m'a apprendre, m'a propager. Et donc ça c'est un bagage qui vraiment très important que on ait la capacité que on instruit ko. Faut pas nous rester comme ça, nous enfermer, nous pas qu'à étudier, nous pas savoir ça qu'a fait assis la terre. Non, faut que nous savons. Donc, nous allons regarder dans l'histoire de la Martinique, la christianisation des esclaves, dès le début de la colonisation, des religieux s'étaient installés en Martinique, principalement alors pour apporter leur service aux colons et convertir les Caraïbes. Duterte écrit en 1654. Le christianisme y est autant et si solidement établi qu'en France. C'est-à-dire que yo rivé fait ça yo télé. À présent, christianisme là bien implanté dans les Caraïbes. Nous rivé. C'est qui monde qui a fait ça? C'est ces colons qui fait. Attention, ça il a dit après ça, il a dit nous. Si les Caraïbes furent réfractaires, les Caraïbes là, yo pas télé religion chrétienne là, yo te kagoumen. Si les Caraïbes furent réfractaires, les religieux eurent davantage de résultats avec les esclaves noirs. Question, est-ce que religion chrétienne là, c'est religion ancêtre nous qui là, ou c'est religion c'est colon? Et donc pas venir dire moi que religion islam là c'est pas religion papa moi. Pas venir dire moi ça parce que c'est pas un argument qui est acceptable. Et aussi, dernier point que nous voyons, dans la Bible, évangile de Matthieu, hein, madame là qui était en cananéenne, hein, il était nitifi, il a tient maïli, qui prise par le démon, il vient demander Jésus pour Jésus aider. Ça, Jésus dit. Yo vriye moi seulement pour ces brebis égarées parmi Israël. Est-ce que en Martinique nous c'est des Israël? Est-ce qu'en Martinique nous c'est des descendants d'Israël? Ou alors on est en problème. Et donc vraiment faut pas que nous fermions nous comme ça. Il faut pas que nous acceptions tout ce monde l'a dit parce qu'il y a un lot bagaille qui propagé à si internet, à dans télé, il y a un gros bagaille, il y a un lot bagaille qui propagé, hein, le vrai, le faux. C'est pour ça que m'a crié tout le monde. M'a appelé tout le monde pour nous réfléchir, pour nous instruire comme nous, pour nous lire, hein, pour nous apprendre, pour nous chercher. Ça, c'est des bagailles qui sont importantes. Faut pas nous arrêter comme ça. Et nous arrêter là pour aujourd'hui. Et moi, excusez comment si m'en fait long, m'en résumé en pile aujourd'hui. Vraiment. Aujourd'hui, m'en résumé en long. M'en essayé de citer le moins de preuves que possible pour nous pas faire long. Mais malgré ça, nous presque à 40 minutes. Et donc, moi, j'espère que vous avez excusé comment pour tout ça. Mais dans tous les cas, moi, j'espère que le message l'a passé et que vous autres comprennent à présent que nous ne pouvons pas dire en musulman, nous ne pouvons pas venir nous. Et nous ne pouvons pas dire, ouais, mais l'islam, c'est religion, c'est arabe là qu'il a. Ou alors, ouais, mais l'islam, c'est pas religion papa. Ouais, mais l'islam, c'est pas tao. Tout ça, nous ne pouvons pas dire ça. Parce que ce sont des arguments qui ne sont pas acceptables. C'est des arguments qu'un monde qui n'est pas instruit qu'à prononcer, un monde qui n'est pas apprendre, qui n'est pas étudier, qui n'est pas qu'à lire, il qu'a gardé Téléa seulement, il qu'a répété ça, il qu'a trouvé en Téléa. Voilà, moi j'espère que le sujet a bien compris et bien clair. Et si vous avez des questions, ben vous pouvez contacter moi très très facilement, hein. Pas de problème. Et puis ça, nous allons demander à Allah protéger nous et nous allons demander à Allah guider toutes ces mondes-là, hein, vers la religion de vérité, la religion du monothéisme, religion toutes ces prophètes-là. Amin. C'est lui qui est capable de faire toutes choses. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.